Yo, Kiamnos. Yeah, Skinner et Biz, bien quoi. Yeah, yo, you got that fire? Fire? Yeah, le feu. Ah, le feu. Yeah, man. Ah, DJ Shin, il en a du feu. Aïe. La France met dedans pour un coup d'amour. On reste unis par l'amour du hip-hop et ça pour toujours. La France met dedans pour un coup d'amour. Si nos chemins se croisent à la base, c'est pour améliorer nos parcours. La France met dedans pour un coup d'amour. On place le morceau historique, moi je viens honorer ce grand jour. United by the love of hip-hop, tighter than Ziplocs. Watch the way Kamnos and Cannabis. Je peux apprendre pour ta consommation. Vise mon imagination, place une cam de vaccination. Monte par élimination, crée des hallucinations. En action pour ma nation, c'est dans mon éducation. Bombe nouvelle génération. Se donne de ration, garçon, passe, on fait félicitations. En admiration pour ma passion, goûte à ses sensations. Assimilation, mon alimentation. En perfusion, sans hésitation, j'ai les veines remplies de son. J'suis classé roux qui fout le bordel dans ton All-Star Game. Déterminé comme Rocky Pam, sur le beat quand j'game. Sur chaque thème, full time avec ma team, chick thème. Sur chaque tome, on s'attend que j'puisse baiser le système. La coupe est pleine, j'explose le barème, pas besoin qu'on me parraine. C'est déjà harem, pas la peine, moi du hip-hop, j'ai la crème. J'suis prêt à marcher, sur le marché arraché, yeah. J'continue pour que ça puisse marcher, marcher. La France met dedans pour un coup d'amour. On reste unis par l'amour du hip-hop et ça pour toujours. La France met dedans pour un coup d'amour. Si nos chemins se croisent à la base, c'est pour améliorer nos parcours. La France met dedans pour un coup d'amour. On place le morceau historique, moi j'viens honorer ce grand jour. United by the love of hip-hop, tighter than Ziplocs. Watch the way Kamnos and Cannabis rock. Yo, I blow mics out of orbit. Nigga that talk on the recording since rap started. Touch a territory and get a shorty to translate the language for me, to make sure that you can't ignore me. All the king's horses and all the king's men probably didn't know that this nigga could speak French. Hence, I adapt to my surroundings. Cannabis got a million and one styles, so still counting. The black Jesus speaks, leave you speechless. Move mountains 2 centimeters with telekinesis. The beast from the east is ripping jackets to pieces. You geezers can't fuck with my thesis. I'm the deepest. Needless to say I sound like I spit without breathing. Your rhyme sounds decent, but you suck like leeches. You sound ass, meaning the gluteus maximus region. My equilibrium large, medium. La France met dedans pour un coup d'amour. On reste unis par l'amour du hip-hop et ça pour toujours. La France met dedans pour un coup d'amour. Si nos chemins se croisent à la base, c'est pour améliorer nos parcours. La France met dedans pour un coup d'amour. On place le morceau historique, moi je viens honorer ce grand jour. United by the love of hip-hop, tighter than Ziplocs. Watch the way Kamnos and Cannabis rock. Jusqu'au dernier round, des curies nouvelles donnent place. Un nouveau gun, nouvel hématome. Ça vient du rap au trône, mon tombe pour qu'en place. T'inquiète, ici on charge du trône. Kamnos, passe à son attache, faire des choses. Et devant la France entière, c'est le mic que je pose. Entends mon terme de voix crucifié à 92. Boîte le beat, tu me connais pas, parle pas. On n'a pas le temps, on dort pas. J'ai foi en moi, alors crois en ce qui se dégage derrière mes lyrics. Ma véritable identité ainsi que les buts que je me fixe. Bienvenue là où l'odeur de la rue m'a donné la vue. C'est pas à la crue, l'union des flammes a cramé un truc. My son a spice, 8 ways like pizza. Season you with parmesan cheese. Drink 2 liters of gasoline, turn into a fire breather. Releasing heat that can baffle the heat seekers' thermometers. Fill your forehead to see if you got a fever before I eat ya. I'm hotter than sleepless minx on demons, nigga believe it. Set fire to the garden to eat it for my freedom. Spit 100 meaningless balls for no reason and start weeping. I get laid with dyslexic by my English teacher, cause it comes out Marcus Neiman no matter how I read it. It's just the way I see shit. There ain't an MC on the planet who can see it. Par amour et jusqu'à la mort, actionne mon appétit, mes méthodes et le duo de mon corps. M'en sort avec mes placements, notamment mon talent. Carrément je fais sonner la langue, que ces battements soient événements, je fais sonner la langue. Yo, my freestyle so sharp, niggas think it's pre-written. My brain is like the hard drive CD spinning. Ain't no motherfucker ill like me. I stopped fucking for 6 months to build my chi. La France met dedans pour un coup d'amour. On reste unis par l'amour du hip-hop et ça pour toujours. La France met dedans pour un coup d'amour. Si nos chemins se croisent à la base, c'est pour améliorer nos parcours. La France met dedans pour un coup d'amour. On place le morceau historique, moi je viens honorer ce grand jour. United by the love of hip-hop, tighter than Ziplocs. Watch the way Kamnos and Cannabis rock.